très bel après-midi sur la première. Il est 13h30 et voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la presse. New York Herald Tribune. De part et d'autre de l'océan. Demandez France, soir, Paris Presse, Le Monde. Naissance d'un nouveau pouvoir. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Bench. En 1495, deux ou trois canards étaient proposés chaque jour aux Parisiens. Beaucoup d'Américains, aujourd'hui célèbres, ont été autrefois vendeurs de journaux. Ainsi, Benjamin Franklin, Henry Ford. Quel nouveau modèle permettrait à la presse de vivre et qui veut encore payer pour des médias dits traditionnels alors que voici les réseaux sociaux d'accès gratuit. De l'indépendant de Littleton, journal hebdomadaire qui a plus de 60 ans d'existence. They are the fake, fake, disgusting news. La transaction est à présent officielle entre Christophe Blocher et Tamedia. Demandez le Figaro littéraire. Chapitre 1er. Naissance d'une modernité. L'homme à qui revient l'honneur d'être entré le premier dans la voie du progrès, M. Robert Walsh, est né à Baltimore vers 1782. Fils d'un négociant aisé, il reçoit une éducation libérale et, ses études terminées, il vient en Europe pour compléter son instruction. Pendant plusieurs années, il parcourt la Grande-Bretagne, la France et une partie du continent. Il se familiarise avec la civilisation et les mœurs du vieux monde. Et il voit partout le spectacle d'une presse lettrée, polie, pour qui l'observation des convenances et la courtoisie sont des conditions d'existence. Revenu en Amérique en 1808, à l'âge de 26 ans, M. Robert Walsh établit sa résidence à Philadelphie et entre au barreau. Toutefois, la presse est sa carrière naturelle et il ne tarde point à y entrer. Immédiatement après son retour, il a publié sur le caractère et les tendances du gouvernement de Napoléon Ier une brochure qui a fait sensation aux États-Unis et qui a un grand retentissement en Angleterre. Ce succès lui ouvre l'entrée du Portfolio, un recueil mensuel alors fort en vogue. Deux ans plus tard, nous sommes en 1811, il publie le premier numéro de la Revue américaine. Mais il n'y a point encore aux États-Unis assez d'esprits lettrés, assez de lecteurs d'élite pour faire subsister une publication de ce genre, et la première Revue américaine peut à peine achever sa seconde année. Sans se laisser décourager, M. Walsh fonde un recueil mensuel consacré à la politique, à l'histoire et à la statistique qu'il intitule « l'American Register » et qu'il rédige en fait presque seul. Enfin, en 1821, il s'associe avec William Fry pour fonder à Philadelphie, sous le nom de « Gazette Nationale », un petit journal du soir qui va paraître d'abord trois fois par semaine, mais qui bientôt va devenir quotidien. Robert Walsh en est le rédacteur en chef. Il y donne aussitôt l'exemple d'un langage élégant et poli, d'une polémique courtoise, qui sait allier la liberté de discussion avec le respect de toutes les convenances. En outre, s'inspirant de ce qu'il a vu en Europe, Robert Walsh ne laisse point envahir exclusivement son journal par la politique, les nouvelles locales et les annonces. Il fait une place, et une place considérable, à la littérature, aux sciences et aux beaux-arts. Il rencontre des représentations théâtrales, il apprécie les livres publiés en Angleterre et aux États-Unis dans des articles qui attestent beaucoup de savoir et de conscience, un sens très droit et très ferme. Ce sont là autant d'innovations et elles obtiennent le succès qu'elles méritent. Le public est en fait charmé de trouver dans un journal une lecture instructive et variée. Il faut agrandir le format de la Gazette Nationale qui compte bientôt plus d'abonnés qu'aucun journal de Pennsylvanie et qui commence même à se répandre dans les États voisins. C'est le premier et presque le seul exemple d'un journal américain qui ait trouvé des lecteurs en dehors de l'État dans lequel il est publié. Pendant 15 ans, Robert Walsh dirige la Gazette nationale et le succès du journal ne se dément point. En 1837, obligé de se rendre en Europe pour rétablir sa santé altérée, Robert Walsh vend sa part de propriété. Il vient se fixer en France et, après avoir été longtemps le correspondant parisien du National Intelligencer de Washington, il devient le correspondant très lu, très goûté du Journal du commerce de New York. Le succès de cette Gazette nationale est contagieux. Il apprend au public qu'un journal peut être une œuvre honnête, sérieuse, utile. Il apprend aux écrivains que pour arriver à la popularité, s'adresser à l'intelligence vaut mieux que flatter les passions. Il rend le public plus exigeant, les écrivains plus sévères pour eux-mêmes. Il est donc véritablement le point de départ d'une réforme de la presse et l'opinion publique ne s'y trompe point. Elle associe invariablement le nom de Walsh avec l'amélioration qui se produit dans le ton et les habitudes de la presse. Nouveau chapitre, les journaux de la capitale. Placés au centre de la vie politique, les journaux de Washington peuvent suivre exactement les débats du Congrès, en pressentir l'issue, en reproduire la physionomie, et en outre, ils sont à même, pendant toute la session, de recevoir les inspirations des chefs de parti, et ils se trouvent plus facilement et plus vite au courant des rivalités et des intrigues que ne manque jamais de faire naître l'approche d'une élection présidentielle. Cette double circonstance en rend la lecture indispensable aux hommes qui s'occupent de politique. Elle leur assure une petite clientèle dans tous les États et leur donne ainsi un caractère d'universalité que n'ont point les journaux des autres villes. En effet, en dehors des chefs de parti qui ont intérêt à suivre le mouvement de l'opinion sur les divers points du territoire et qui sont obligés de consulter assidûment les journaux des grandes villes, personne en Amérique n'a souci de ce qui se passe dans un autre État que le sien. C'est à peine si les feuilles des villes les plus considérables font exception à cette règle générale. Les journaux de Boston sont lus dans la Nouvelle-Angleterre parce que le Massachusetts entraîne habituellement du côté où il penche le Maine, le Vermont et le Connecticut. Les journaux de New York sont assez répandus dans les États du centre et au Canada. Ceux de Philadelphie pénètrent dans le sud et dans l'ouest. Encore cela est-il vrai, surtout des feuilles publiées en allemand qui trouvent chez les nouveaux colons un débouché assuré. Un journal de New York, le Herald, s'était posé nettement en défenseur de l'esclavage. À cette circonstance, a une clientèle assez étendue dans quelques villes du sud, spécialement à Baltimore et à Charleston. On voit en somme que les journaux les plus favorisés ne dépassent pas un cercle assez restreint. On peut résumer ainsi la répartition de leur tirage. 6/10 dans la ville même où ils sont publiés, 3/10 dans l'État, 1/10 au dehors. En dehors des causes déjà indiquées, les règlements de la Poste contribuent à faire conserver à la presse américaine son caractère purement local. La taxe est restée longtemps proportionnelle à la distance, et le journal le moins coûteux de New York serait revenu très cher à un abonné de la Nouvelle-Orléans. À partir de 1853, date à laquelle cet ouvrage dont nous lisons des extraits est publié, la taxe devient uniforme. Elle est de 1 cent pour tout le territoire des États-Unis, sans excepter la Californie. Mais elle n'est qu'un demi-cent dans l'intérieur de l'État où le journal se publie. Ajoutez que la Poste ne distribue pas les journaux à domicile. Il faut ou envoyer prendre chaque jour son journal, ou payer aux employés des postes une rétribution supplémentaire. Il y a donc tout avantage, sous le rapport du prix, de la commodité et de la célérité d'information, à prendre un journal de la ville que l'on habite, quelle qu'elle soit, de préférence aux journaux de Boston, New York ou Philadelphie. Ceux-ci, en effet, tout en coûtant 20 ou 25% plus cher, sont nécessairement en retard sur les feuilles locales qui se font expédier par le télégraphe les nouvelles importantes, les cours des fonds publics et les mouvements des marchés. Pour la majorité des habitants, les affaires locales ont plus d'intérêt et d'importance que les nouvelles du dehors, et même que la politique fédérale. La meilleure preuve qu'on puisse en donner, c'est qu'il n'y a pas un seul journal qui n'accorde plus d'attention et plus de place au débat de la législature de l'État qu'aux discussions du Congrès. Les journaux de Washington sont en fait les seuls qui publient régulièrement et in extenso les débats du Congrès. Les journaux des autres villes se contentent d'une analyse qui leur est envoyée par le télégraphe et qui, dans les occasions les plus graves, ne dépasse guère une colonne. Seulement quand il s'agit d'une de ces questions brûlantes qui ont le privilège de remuer l'opinion, il manque rarement de reproduire, d'après les feuilles de Washington, les discours des hommes considérables. Si aux États-Unis aucun journal n'a pu prendre le rôle ni acquérir l'importance des grands journaux européens, cela tient surtout aux conditions toutes spéciales dans lesquelles la presse américaine se trouve placée. Joignez-y une concurrence rendue très active par l'absence de toute entrave législative et de tout impôt et la facilité de fonder un journal sans une avance de fonds considérable. New York, qui, avec ses faubourgs et Brooklyn, présente alors, je le rappelle, au milieu du 19e siècle, une agglomération de 700 000 âmes, compte 15 journaux quotidiens, c'est-à-dire autant que Paris et Londres. Ces 15 journaux distribuent 130 000 feuilles par jour. 6 journaux à 1 et 2 cents entrent dans les deux tiers dans ce chiffre, ce qui ne permet pas d'élever au-dessus de 4 ou 5 000 le tirage moyen des meilleurs journaux de New York. Boston, avec 140 000 âmes, compte 12 journaux quotidiens. Philadelphie, avec 340 000 âmes, en compte 10. Baltimore, 6, avec 170 000 habitants. On peut évaluer à 15 000 numéros le tirage maximum des deux principaux journaux de Philadelphie. Aucun journal de Boston n'a une vente supérieure à 10 000 exemplaires. Dans les États du Sud, où la population est beaucoup moins dense, et où elle est pour moitié dans les liens de l'esclavage, les journaux sont à la fois beaucoup moins nombreux et beaucoup moins répandus qu'au Nord. En somme, au témoignage de Horace Greeley, directeur de l'un des principaux journaux de New York, on ne saurait évaluer au-delà d'un million de feuilles par jour le tirage total des 250 journaux quotidiens des États-Unis, ce qui donne un tirage moyen de 4000 numéros par journal. Avec une clientèle aussi peu considérable, les journaux américains, obligés par la concurrence à se vendre bon marché, ne peuvent faire que de faibles recettes et disposent de très peu de ressources. Aussi, les conditions faites aux écrivains ne sont-elles pas de nature à retenir dans la presse les hommes à qui leur talent peut ouvrir une autre carrière? Le directeur d'un journal influent de New York, interrogé à Londres en 1851 par la commission d'enquête sur le timbre, déclarait qu'il connaissait un écrivain en possession d'un traitement de 600 livres sterling, mais que c'était une exception. Il évaluait entre 100 et 300 livres le taux ordinaire des traitements dans les principaux journaux. Pour apprécier combien est faible cette rémunération d'un travail tout intellectuel, il suffit de rappeler que le taux des salaires aux États-Unis est de beaucoup supérieur à ce qu'il est en Europe. Un écrivain attaché à la presse gagne moins à New York qu'un ouvrier mécanicien ou qu'un ébéniste un peu habile. Les journaux à bon marché, introduits il y a 20 ans aux États-Unis, autrement dit vers 1830-1840, ne vont pas améliorer la condition des écrivains. Il est probable que c'est de leur initiative que va venir cette réforme, mais elle ne se réalise pas tout de suite, parce que ces journaux sont encore à l'état d'exception, et surtout parce qu'ils s'adressent à un public spécial qui n'a aucune exigence littéraire. Autrement dit, les gratuits d'aujourd'hui ont donc bien leur antécédent dans l'histoire de la presse. Le prix ordinaire des grands journaux quotidiens était jusqu'en 1833 de 6 cents par numéro. À ce prix, un journal qui avait un millier d'abonnés et quelques annonces suffisait à ses dépenses. D'une industrie qui ne donnait que des profits très médiocres, mais où les chances de perte étaient à peu près nulles, les journaux à bon marché ont fait une industrie précaire, mais où il est possible de réaliser d'énormes bénéfices. Leur concurrence va obliger les grands journaux à réduire le prix à 3 ou 4 cents, et même un peu en dessous, pour les personnes qui s'abonnent aux 313 numéros de l'année à raison de 8 ou de 10 dollars. À vrai dire, l'abonnement, qui était autrefois la règle générale, devient peu à peu l'exception. C'est là le changement le plus radical apporté par les journaux à bon marché dans la situation de la presse américaine. Autrefois, toute personne domiciliée dans une ville et un peu connue recevait un journal sur sa simple demande. Hors de la ville, il suffisait de consigner d'avance au bureau de poste de sa résidence le port du journal pendant un trimestre. La grande majorité des abonnés n'acquittaient le prix de leur abonnement qu'à la fin du trimestre et souvent même pas avant la fin de l'année. Cet état de choses entraînait pour les journaux de très graves inconvénients. La nécessité de faire des avances considérables, une grande irrégularité dans les recettes et des pertes fréquentes. Nombre d'abonnés, par oubli, aussi par mauvaise foi, faisaient faire banqueroute au journal. Un spéculateur intelligent s'avisa qu'en substituant à l'abonnement la vente au numéro, on dispenserait un journal de tout frais d'administration intérieure, de toute écriture et de toute comptabilité, et on le mettrait à l'abri des non-valeurs. Réduire le prix à la dernière limite du bon marché pour attirer l'acheteur, ne demander à une vente, même considérable, que de couvrir les frais généraux, et attendre son bénéfice uniquement des annonces, tels seront les principes qui vont présider à cette transformation de la presse. Mais pourrait-on, en réduisant le prix des journaux, compter sur un accroissement considérable dans le débit? Cet espoir était permis aux États-Unis, plus que partout ailleurs, à raison de deux circonstances spéciales: la diffusion de l'instruction primaire et le suffrage universel. Dans un pays où tout le monde, sans exception, sait lire et écrire, et où tout le monde est électeur, la lecture d'un journal est un besoin de première nécessité. On peut même dire que c'est un besoin plus impérieux pour les classes inférieures, comme on les nomme alors, que pour les classes élevées, attendu que le journal seul peut guider les premières dans l'exercice de leurs droits politiques. Les faits, d'ailleurs, ont répondu. Les 700 000 habitants de New York et des environs absorbe 230 000 exemplaires des journaux quotidiens, c'est-à-dire qu'un citoyen sur trois achète ou reçoit un journal. Les feuilles du matin sont obligées d'avoir terminé leur tirage pour l'heure à laquelle les ouvriers vont déjeuner, parce que la lecture du journal est pour ceux-ci l'assaisonnement indispensable du premier repas. Le succès récompense rarement les inventeurs. Les premiers journaux qu'on essaie de fonder à 1 cent le numéro ne parviennent point à vivre. Une nouvelle tentative, en portant le prix à 2 cents, plus heureuse, et provoque des imitations. Le Herald et quelques autres feuilles vont réussir à faire une concurrence victorieuse aux journaux d'un prix élevé, et quand ces feuilles mêmes prendront racine, elles verront naître un concurrent à 1 cent, le Sun, qui va se faire à son tour la part du lion. Il affiche bientôt une vente moyenne de 43 à 45 000 numéros. Les annonces affluent dans ses bureaux et il fait la fortune de ses heureux fondateurs. On voit pour la première fois aux États-Unis un journal assez riche pour se loger chez lui, dans un immense édifice où le Sun installe ses ateliers et ses bureaux. Après s'être enrichi, le propriétaire du Sun, M. Benjamin Day, le vend 250 000 dollars, un prix qui ne paraît pas excessif. Sans approcher de pareils résultats, les journaux à deux cents sont également des entreprises lucratives. Comme le Sun, ils attendent des annonces tous leurs bénéfices, mais ils s'imposent pour la rédaction des sacrifices beaucoup plus considérables. Les deux plus prospères sont le Herald et la Tribune, qui, outre l'édition du matin, publient une édition du soir et une édition hebdomadaire, dont le tirage total, sous ses diverses formes, s'élève jusqu'à 20-25 000 numéros. La Tribune, rédigée par Horace Greeley, date de 1841. Le 11 avril 1853, jour où elle accomplit sa 12e année, elle prend le format des plus grands journaux de New York, c'est-à-dire qu'elle paraît sur 8 pages, et ses propriétaires, annonçant ce changement, déclarent que le coût seul du papier sur lequel ils impriment leur journal dépasse la valeur de l'abonnement. C'est donc uniquement le produit des annonces qui couvre les frais de rédaction et d'impression, ainsi que toutes les dépenses de l'entreprise. On rattache généralement la Tribune au parti Whig, mais elle est avant tout l'organe des doctrines socialistes. Elle a longtemps été l'avocat assidu du fouriérisme et il n'est guère d'utopie venue d'Europe qui ne trouve dans ses colonnes un accueil empressé. Le Herald est avec le Sun le doyen de la presse à bon marché, mais ce n'est pas à cette circonstance qu'il doit être incontestablement le journal américain le plus connu et le seul répandu en Europe, toujours au milieu du 19e siècle. Le procédé employé par son fondateur est des plus simples. Sans attendre les abonnements, sans réclamer un échange que les exigences de la poste auraient rendu difficile, onéreux, il a adressé gratuitement son édition hebdomadaire aux principaux journaux d'Europe, aux clubs et aux cercles en renom. Il a poussé l'obligeance plus loin, il a fait pour l'Europe un tirage spécial de cette édition afin d'y introduire un résumé des nouvelles américaines de la semaine condensé avec soin. Les journaux sont œuvres d'improvisation également. On peut y aimer la besogne facile et surtout la besogne toute faite. Les écrivains européens, généralement peu au courant des affaires américaines, vont transcrire purement et simplement les résumés du Herald en citant le journal auquel ils font cet emprunt. Quand ils auront des jugements à porter sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est dans le Herald qu'ils puiseront leurs renseignements. Ce sont ces opinions qu'ils adopteront ou parfois aussi combattront. Comme il n'y a guère que les journaux de Liverpool qui s'imposent la dépense de faire venir des journaux américains, le Herald se trouve donc la seule feuille des États-Unis dont le nom se rencontra jamais dans les feuilles européennes. Or, tous les articles où il est question du Herald ont toujours été soigneusement reproduits dans les éditions américaines du journal, afin de constater qu'il est lu et discuté au-delà de l'Atlantique et de diminuer par le prestige de cette notoriété européenne le discrédit dont il a à se plaindre aux États-Unis. Le Herald, en effet, malgré son incontestable succès, n'a aucune autorité. Et tout en faisant la part de l'inimitié et de l'envie dans un pays de concurrence acharnée, il faut bien dire que l'opinion générale ne lui est pas du tout favorable. À quoi doit-il cette sévérité ou cette injustice? eh bien aux nombreuses excentricités qui ont signalé les premiers temps de son existence. Excentricités qui ont contribué à son succès en éveillant la curiosité et en attirant de vive force l'attention. Mais des excentricités qui dépassaient souvent les bornes des convenances et du respect qu'on doit au public. En outre, le caractère agressif du fondateur du Herald, James Gordon Bennett, lui a valu de nombreuses et désagréables querelles dont l'éclat fâcheux a rejailli défavorablement et durablement sur le journal. Néanmoins, il faut reconnaître que le Herald a rendu de grands services à la presse américaine. Il l'a tiré violemment de sa torpeur, de sa somnolence, et c'est à lui qu'elle doit une bonne partie des progrès qu'elle a fait depuis 20 ans. Monsieur James Gordon Bennett est incontestablement un homme d'esprit et d'initiative, aussi bien qu'un journaliste habile. Ce n'est point seulement à force d'audace et d'excentricité qu'il a conquis des milliers de lecteurs et un succès croissant, ça a été surtout en déployant une infatigable activité, en accomplissant des tours de force analogues à ceux de certains publicistes anglais. Il a su hardiment et à propos jeter l'argent par les fenêtres pour avoir la primeur des nouvelles importantes, pour donner en entier les documents dont les autres journaux n'avaient que les maigres analyses. C'est lui qui a imaginé d'envoyer des bateaux à vapeur au-devant des paquebots européens, obligés d'aller toucher à Halifax avant de venir à New York. C'est lui qui a fait du télégraphe électrique le collaborateur principal des journaux. C'est lui, enfin, qui a organisé le premier, sur une vaste échelle, tout un réseau de correspondances. Tous les propriétaires de journaux américains sont entrés dans cette voie. Mais c'est à lui, James Gordon Bennett, que doit rester l'honneur de l'avoir ouverte. Les excentricités sont demeurées. On peut plaisanter de l'abus que le Herald fait des majuscules et des capitales en mettant 15 ou 20 titres en grosses lettres à un article ou une correspondance de 10 lignes. On peut extraire de ces colonnes bien des vanteries bouffonnes, bien des diatribes. Mais ce cynisme et ces hâbleries sont rachetés par un esprit vif, mordant, une verve railleuse et un grand fond de bon sens écossais. Le Herald a fait souvent une guerre heureuse aux rêveries socialistes ou mystiques des deux continents, aux exagérations puritaines, aux hypocrisies de l'abolitionnisme américain. En politique, il n'a d'autre couleur que le succès. Mais tel est désormais le cas de la majeure partie des journaux américains. C'est ce qu'on appelle être indépendant. Ainsi se termine pour nous notre adaptation de l'histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis, rédigée en 1857 par Athanase Cucheval-Clarény et mise en onde par Jean-Philippe Svalen. Dimanche soir, Histoire vivante se poursuit sur RTS2 avec la diffusion en quatre parties d'un documentaire exceptionnel, Mission Vérité. Un combat sans merci entre le New York Times et Monsieur Donald. Histoire vivante.